C'est sur ce meilleur single de toutes les années 80, l'indémodable et indépassable Love Will Tear Us Apart de Joy Division, que s'achève sur le 100 FM Radioactive cette partie consacrée au meilleur single de cette décennie. Partie suivante maintenant, on revient comme il y a quelques fois, on a de plus en plus d'extraits musicaux et de lectures de livres. Là, on retourne maintenant sur un bouquin sorti par Dominique Grimaud et Éric Desais sur l'underground musical en France, qui va nous permettre de se pencher sur un courant extrêmement méconnu. Allez, vous aurez la suite bien évidemment lors d'une prochaine émission. La frange la plus expérimentale du rock psychédélique anglais est alors présente sur le sol français avec Soft Machine, en tournée dans le sud de la France durant les mois de juillet et août 1967. La tournée est organisée par Giorgio Gomelski, bourlingueur apatride qui crée un club de jazz à Londres à la fin des années 50, puis fut au cœur du Swinging London du début des 60s, organisant notamment les premiers concerts des Rolling Stones avant qu'ils ne se nomment Rolling Stones. Soft Machine, alors formé de Robert Wyatt, Mike Rutledge, David Allen et Kevin Ayers, se produit lors d'une dizaine de dates, principalement à Saint-Tropez. À l'issue de la tournée, David Allen, de nationalité australienne, est contraint à rester en France, refoulé par la douane anglaise pour cause de visa périmé. David Allen et sa compagne Gilly Smith s'installent alors à Paris. Ils font la connaissance du jeune réalisateur Jérôme Lapérouse, qui les met en contact avec Patrick Fontaine et Marc Blanc, alors membres du groupe Free Rock Expression. Ils forment ensemble le Banana Moon Band, l'un des prémices au groupe Gong et L'âme son. Manifestation contre la guerre au Vietnam, lutte des Noirs américains pour leurs droits civiques, aspiration de la jeunesse à plus de liberté, le vent de la contestation ne fait que s'amplifier. Alors que les pays occidentaux ne se sont jamais aussi bien portés d'un point de vue strictement économique, il y a comme un sérieux malaise. Le développement économique ne semble pas être synonyme de bonheur pour tous, loin s'en faut. Les critiques du capitalisme s'affûtent dans la lignée de celles des pères fondateurs Marx et Engels, vieilles d'un bon siècle, et de leurs héritiers, Lénine, Trotsky, Mao, abreuvant des idéologies à dessein révolutionnaire. Parmi les théories les plus pertinentes, celles de l'international situationniste trouvent un certain écho, particulièrement en milieu étudiant. Ce mouvement fondé en 1957 et visant à surpasser les avant-gardes du XXe siècle, le surréalisme, le dadaïsme, le lettrisme, dissèque les rouages de la société capitaliste marchande. Le capitalisme envahit les comportements sociaux qui deviennent eux-mêmes des simulacres, un spectacle. Dénonçant la division du quotidien en temps ayant chacun une fonction donnée dans la chaîne de production, les situs en appellent chacun à se réapproprier sa vie dans son entier. Le pamphlet de la misère en milieu étudiant, élaboré en 1966 par des étudiants situationnistes de Strasbourg, s'achève sur « Les révolutions prolétariennes seront des faits ou ne seront pas » et « Vivre sans temps mort et jouir sans entrave ». L'autoroute A9 avec un bouchon avant et après pour ceux qui vont dans le sens de l'Espagne, bouchon de 15 km qui se poursuit sur la Nationale 9 jusqu'à Sigean, soit 14 km. Au total, une trentaine de kilomètres de bouchon de Narbonne à Sigean. Ensuite, le bouchon du Perthus qui commence avant Massabol fait toujours 26 km et avec le temps chaud et orageux pour les automobilistes qui sont en dessous au milieu des villes du Roussillon, ils doivent penser bien sûr à d'autres bouchons. Ainsi que dans les Charentes, les pompiers sont venus au secours d'automobilistes coincés au bouchon de La Rochelle-la-Palisse. Il fallait attendre 5 heures là en voiture, en plein soleil. Alors les pompiers ont apporté de l'eau et même des riverains compatissants ont arrosé les carrosseries avec élance de leur jardin. Je vous propose de trouver les bouchons de Bernard Abadie à Bordeaux. On va commencer la litanie sur la Nationale 10 à Montbazon, 2 km. L'organisation spectaculaire de la présente société de classe entraîne de conséquences partout reconnaissables. D'une part, la falsification généralisée des produits, aussi bien que des raisonnements. D'autre part, l'obligation, pour tous ceux qui prétendent y trouver leur bonheur, de se tenir toujours à grande distance de ce qu'ils affectent d'aimer. Car ils n'ont jamais les moyens, intellectuels ou autres, d'en venir à une connaissance directe et approfondie, une pratique complète et un goût authentique. Ce qui déjà est si apparent quand il s'agit de l'habitat, du vin, de la consommation culturelle ou de la libération des mœurs, doit être naturellement d'autant plus marqué quand il s'agit de la théorie révolutionnaire et du redoutable langage qu'elle tient sur un monde condamné. Cette falsification naïve et cette approbation incompétente, qui sont comme l'odeur spécifique du spectacle, n'ont donc pas manqué d'illustrer les commentaires, diversement incompréhensifs, qui ont répondu au film intitulé « La société du spectacle ». L'incompréhension dans ce cas s'impose pour encore quelque temps. Le spectacle est une misère bien plus qu'une conspiration. Et ceux qui écrivent dans les journaux de notre époque ne nous ont rien dissimulé de leur intelligence. Ils emploient couramment tout ce qu'ils en ont. Que pourraient-ils dire de pertinent à propos d'un film qui attaque en bloc leurs habitudes et leurs idées, et qui les attaque au moment où eux-mêmes commencent à les sentir s'effondrer dans chaque détail? La débilité de leur réaction accompagne la décadence de leur monde. Ceux qui disent qu'ils aiment ce film ont aimé trop d'autres choses pour pouvoir l'aimer. Et ceux qui disent ne pas l'aimer ont eux aussi accepté trop d'autres choses pour que leur jugement ait le moindre poids. Qui regarde la pauvreté de leur vie comprend bien la pauvreté de leur discours. Il suffit de voir leurs décors et leurs occupations, leurs marchandises et leurs cérémonies, et cela est étalé partout. Il suffit d'entendre ces voix d'imbéciles qui vous disent ce que vous êtes devenu dans l'aliénation, et elles vous en informent avec mépris à chaque heure qui s'y ajoute. Et puis, sur la Nationale 9, il y a maintenant des bouchons pour les automobilistes qui remontent depuis Perriac. Pour ceux qui remontent, il y a toujours 4 km de carrosserie non-stop sur une file. Quant au bouchon du Pertus, il ne fait qu'augmenter. Les vacanciers en souffrance s'étirent déjà sur 5 km. Je veux dire que sur cette nationale 10, tout se passe très bien, ainsi que sur la nationale 12 que nous avons survolé auparavant et que sur l'autoroute de l'Ouest. Donc tout va très bien sur l'Ouest de la région parisienne. Les seules difficultés qui subsistent sont sur l'autoroute du Sud. Je vous rappelle qu'il y a deux bouchons, l'un un peu avant. Les spectateurs ne trouvent pas ce qu'ils désirent, ils désirent ce qu'ils trouvent. This is my favorite, the aroma. Now let us see about the right size. If you could choose a cigarette that suited you. Number 43. At a price that suited you. The chances are you'd end up smoking Senior Service Extra. Try one, sir. Le spectacle n'abaisse pas les hommes jusqu'à s'en faire aimer, mais beaucoup sont payés pour faire semblant. Maintenant qu'ils ne peuvent plus aller jusqu'à assurer que cette société est pleinement satisfaisante, ils s'empressent d'abord de se dire insatisfaits de toute critique de ce qui existe. Tous les insatisfaits croient qu'ils méritaient mieux, mais s'imaginent-ils donc que l'on veut les convaincre? Croient-ils pouvoir parler en faisant oublier d'où ils parlent, eux, les locataires mal logés du territoire de l'approbation? Ce sera un sujet d'étonnement, dans un avenir plus libre et plus véridique, que des employés aux écritures du système du mensonge spectaculaire aient pu se croire qualifiés pour donner leur opinion et peser tranquillement le pour et le contre à propos d'un film qui est une négation du spectacle. Comme si la dissolution de ce système était une affaire d'opinion. Leur système est maintenant attaqué dans la réalité. Il se défend par la force. La fausse monnaie de leurs arguments n'a plus cours. Et donc, le chômage menace présentement un bon nombre des cadres de la falsification. Les plus tenaces parmi ces menteurs en déconfiture feignent encore de se demander si la société du spectacle existe bien effectivement, ou si par hasard je n'en serais pas l'inventeur. Mais comme, depuis quelques années, la forêt de l'histoire s'est mise à marcher contre leur château de fausses cartes et continue en ce moment même à en resserrer l'investissement, presque tous ces commentateurs ont à présent la bassesse de saluer l'excellence de mon livre, comme s'ils étaient capables de le lire et comme s'ils l'avaient accueilli avec un tel respect en 1967. Mais ils trouvent généralement que j'abuse de leur indulgence en portant ce livre à l'écran. Et le coup leur est d'autant plus pénible qu'ils n'avaient pas du tout imaginé qu'un tel excès était possible. Leur colère confirme que l'apparition d'une telle critique dans le cinéma les inquiète davantage que dans un livre. Là comme ailleurs, les voilà contraints de lutter en retraite, sur une deuxième ligne de défense. Libérer l'humain d'un système productiviste incite en premier lieu à libérer ses propres forces créatrices. Les manifs elles-mêmes sont l'occasion de crier en chœur des slogans et des chansons, de jouer de la musique, de couvrir les murs de graffitis et d'affiches révolutionnaires. Des groupes jouent dans les amphis de la Sorbonne occupée. Le groupe Free Rock Red Noise y fait son baptême du feu. Le comité révolutionnaire d'action culturelle CRAC y est créé par des artistes amateurs ou ayant déjà un peu de bouteille. Évariste et la chanteuse et comédienne Dominique Grange en font partie. Assistante de Guy Béard, Dominique Grange décide de ne pas honorer un contrat de 7 ans signé avec sa maison de disques en avril 68 pour s'engager entièrement dans la lutte. De cette époque, il reste quelques traces discographiques. Sur un 45 tours distribué gratuitement par le label Expression Spontanée, Dominique Grange chante des titres qui collent au mouvement. La Pègre, Chacun de vous est concerné, Grève illimitée, Abat l'État policier. Le disque est illustré par une cheminée d'usine prenant la forme d'un point levé, un dessin signé par son compagnon Jacques Tardy. Le CRAC publie La Révolution d'Évariste. Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue Fiston ? Je vais aller faire la Révolution. Illustré celui-ci par Volinsky. Digne successeur d'Hector et ses médiateurs, Évariste alias Joël Sternheimer, docteur en physique théorique, s'est fait connaître un an plus tôt avec L'Animal. Connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral et les pommes de lune arrangées par Michel Colombier? Il a quitté l'université de Princeton où il poursuivait ses recherches en protestation contre la guerre menée au Vietnam. Le CRAC devient ensuite un comité de grève active où le champ militant apporte sa pincée de sel dans les usines en grève. À noter au passage que dans la Sorbonne occupée, un certain Renaud Séchant, 16 ans, a rejoint son frère étudiant. Renaud adhère au CRAC avant de fonder le groupe Gavroche Révolutionnaire. Inspiré par Évariste, Renaud écrit ces jours-là sa première chanson, Crève salope, charge virulente contre un père qui, bien que progressiste de gauche, refusait encore que son fils ait les cheveux longs. Je venais de manifester au quartier, j'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon père me dit « Bonsoir fiston, comment ça va ?» Je lui réponds « Ta gueule sale con, ça te regarde pas ?» Et je lui dis « Crève salope, et je lui dis « Crève charogne, et je lui dis « Crève poubelle, v'lant une beigne. » Le lendemain, comme tous les jours, je vais au lycée, je rencontre dans la cour mon prof d'anglais. Elle me dit « Bonjour jeune homme, comment ça va ?» Je lui réponds « Ta gueule sale con, ça te regarde pas ?» Et je lui dis « Crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève poubelle, v'lant une beigne. » Le proviseur m'a convoqué le lendemain, dans son cabinet privé, pour un entretien. Il me dit « Essuyez vos pieds avant d'entrer. » Je lui ai dit « Écoute mon pote, tu me laisses causer. » Et je lui ai dit « Crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève fumier, v'lant viré. » Je me suis retrouvé dans la rue, abandonné. J'ai été complètement perdu, désespéré. Un flic me voit et me dit « Qu'est-ce que tu fous ici ? À l'heure qu'il est, tu devrais être au lycée. » Et je lui ai dit « Crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève fumier, v'lant bouclé. » Je me suis retrouvé enfermé à la santé, puis j'ai été condamné à être guillotiné. Le jour de mon exécution, j'ai eu droit au cureton. Il me dit « Repentez-vous, mon frère, dans une dernière prière. » Et je lui ai dit « Crève salope, et je lui ai dit « Crève charogne, et je lui ai dit « Crève fumier, blanc, ils ont tranché. » L'agitation part de Paris et s'étend aux villes de province où les interventions musicales trouvent aussi leur place. Les fanfares animent le tohu-bohu des slogans criés dans les rues. Des enregistrements sonores des manifs à Paris font le tour du monde de l'underground et de l'avant-garde. En août 1968, les Beatles évoquent directement les mouvements contestataires sur leur 45 tours « Hey Jude Revolution », un revolution que l'on retrouve sur leur mythique « White Album ». Fin août 1968 également, passe pour la première fois sur les ondes le Street Fighting Man des Rolling Stones, inspiré par mai 68 et par une manifestation pour la paix devant l'ambassade américaine à Londres, à laquelle Mick Jagger a participé. Soft Machine, Can ou encore Faust se servent de bandes sonores enregistrées lors des affrontements dans les rues de Paris, comme arrière-plan à leurs improvisations lors de répétitions. Colette Magny utilise des prises de son réalisées dans Paris par William Klein et Chris Marker pour le disque Magny 68-69. Ici, c'est l'école dans le vent. Dans la jungle, j'ai appris à compter. Ici, c'est l'école en plein vent. Dans la jungle, j'ai appris à danser. Maître d'école, maître soldat, j'ai peur des bombardiers. Maître d'école, maître soldat, je peux pas m'habituer. Sous mon pupitre, on a creusé un petit trou pour me rassurer. Sous mon pupitre, on a creusé un petit abri pour me protéger. Quand sont venus les bombardiers, mon copain près de moi est tombé. Quand sont venus les bombardiers, mon frère ventre ouvert. Ces tripes dans mes mains j'ai retenu, mais j'ai pas pu le sauver. Maître d'école, maître soldat, j'ai plus peur des bombardiers. Maître d'école, maître soldat, donne-moi des armes. L'impact direct de mai 68 est la suspension des activités économiques du pays, y compris de l'industrie du disque. Comme de nombreux artistes, Claude François et Eddy Mitchell doivent annuler leur gala. France Gall est bien embêtée, la sortie de son disque est compromise. Deux nouveautés passent en boucle sur les radios, Rain and Tears d'Aphrodite Child et La Cavalerie de Julien Clerc, sortie juste à temps des usines occupées de Pathé Marconi. Aucun disque ne sort avant juin. Les événements sont diversement vécus. Pour certains, il s'agit maintenant de faire un choix radical conforme à ses aspirations. Gilbert Hartmann laisse tomber son activité de décorateur d'intérieur pour se consacrer entièrement à la musique. François Béranger se décide à devenir chanteur pour exprimer ses idées politiques. À partir de 68, les communautés libertaires vont commencer à éclore. Je vais quand même dire un mot de la chanson qui suit là. C'est une chanson que j'ai commise en 1976. À l'époque, c'était pas si pire que maintenant quand même. Les émigrés, pour repartir chez eux, on leur donnait 10 000 balles. Maintenant, on leur donne plus de primes, on leur met un sparadrap sur la bouche, un coussin sur le sparadrap, on les attache au siège avec des menottes, des sièges d'avion. Donc, à ma grande honte, cette chanson est toujours d'actualité, et je la dédie à tous nos crétins successifs, ministres de l'Intérieur, d'abord, et ensuite aux morts connus et inconnus qui sont probablement restés dans les charters. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on appréciait le citron, on veut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on appréciait le citron, on veut jeter la peau. Les citrons, c'est les négros, tous les bronzes et l'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute-Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis, avec eux des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque pomme, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné en 80, qu'on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pêché le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a baisé le citron, on peut jeter la peau. Les colons sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite. De noir bien blanchi, le monde blanc rigole. Les nouveaux, c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement au hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacré empereur avec mille glorioles. Après tout, c'est pas grave, du moment que la terre produit pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Après tout, c'est pas grave, les colons sont partis, que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis, avec dans leur bagage quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues, ils se ressemblent tous avec leurs passe-montagnes. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur, à passer la famine et ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir, dans des foyers taudis, on vit dans le sordide. Un jour la crise nous envahit aussi, on les renvoie chez eux, ils seront plus heureux. On leur donne un pourboire, faut être libéral. Et quant à ceux qui râlent, un bon coup de pied au cul. Vous comprenez monsieur, c'est quand même pas normal. Ils nous bouffent notre pain, ils reluquent nos femmes, qu'ils retournent faire les singes dans leur cocotier. Tous nos bons nègres à nous, on a si bien soigné. Et puis ce qui est certain, c'est que rien les amuse. Ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Lost in Space sur le 100 FM Radioactive, c'est toujours et encore à l'antenne, on est ensemble jusqu'à minuit. On vient de finir notre séquence sur l'underground musical français où on a entendu Guy Debord qui nous expliquait ce qu'était la réfutation. On a eu un morceau très rare de Renaud, Crève Salope, qui n'a absolument rien à voir avec c'est ce qu'il fait actuellement. Là, il ne parle pas du tout d'embrasser des flics, comme vous avez pu constater. On a eu aussi Colette Magny et François Béranger. Et maintenant, une petite séquence tranquille pour finir l'émission. On aura quelques morceaux, mais là, tout de suite, c'est Keren Ann qui vous chante, pardon, Song for Alice. She was the patron saint of 23rd Street. She was around for a lot of that. She wandering around the hotel hallways in the middle of the night, carrying a little yellow cardboard box. And she inhabited the place like a butterfly. There was this kind of sadness about her, and And she did have this light. And nobody ever knew her real name. Does time. You see her coming down the street with the stepping through broken bottles and gum, carrying her shoes barefoot. People said she was crazy, man. About 6 months before the fire, there was a big blackout, famous summer blackout. She walked around through the halls giving everyone candles. It scared everybody away in the end. Everybody assumed it was her. There have been fires in all that year and little ones. I don't know if it was fair or not. But everybody blamed her for it. And then one day she just vanished. And later they, said her name was Alice. The whole time I never knew her name. Thank you. Sure.